Chapitre 19e. Bien que le prince Mazzazzoli eût pleine confiance dans le colonel et le jugeât incapable de ne pas tenir un engagement pris, il eût désiré que le mariage de Carmelita ne se fît point à Paris. Sans doute, au point où les choses étaient arrivées, il n'y avait guère à craindre que ce mariage manquât. Cependant, il était dans la nature du prince de craindre toujours et de rester quand même sur ses gardes. Dans les circonstances présentes, il lui semblait que si un danger devait surgir, c'était du côté de Paris qu'il fallait l'attendre. Quel danger ? C'était ce qu'il ne pouvait pas préciser. Il paraissait peu probable que le colonel retombât sous l'influence de Madame de Lucilière, au moins avant le mariage. Après, cela était possible, et le prince, qui avait l'expérience de la passion, admettait ce retour jusqu'à un certain point. Mais ce qui arriverait après le mariage, il n'avait pas présentement à en prendre souci. Le baron Lazarus ne voudrait-il pas se venger de la duperie dont il avait été victime ? Cela était à présumer, mais que pouvait-il ? Ni lui ni Ida n'étaient maintenant bien redoutables. Enfin, pouvait-on être pleinement rassuré du côté de cette jeune cousine du colonel, cette petite Thérèse Chamberlain, qu'il avait eu un moment l'intention de prendre pour femme ? Quel que fût le plus ou moins de gravité de ces trois dangers, et à vrai dire, le plus grand de tous paraissait bien peu sérieux, il y avait une chose certaine, qui était que le simple séjour à Paris du colonel et de Carmelita donnait tout de suite à ses craintes un caractère plus imminent. Que le colonel ne rentrât pas en France, et très probablement aucun de ces dangers n'éclatait. Au contraire, que le mariage se fit à Paris, précédé et accompagné de toute la publicité qui, fatalement, devait se manifester d'une façon bruyante, et aussitôt il pourrait devenir menaçant. Qui pouvait savoir à l'avance les fantaisies qui passeraient par la tête de la marquise de Lucilière lorsqu'elle apprendrait que son ancien amant allait se marier. En voyant à qui avait profité la rupture, qu'on avait eu l'habileté de l'amener entre elle et cet amant, ne devinerait-elle pas qu'elle avait été l'auteur de cette rupture ? Que ne devait-on pas craindre d'un homme tel que le baron Lazarus, déçu dans ses espérances les plus chères, et de plus, battu avec les armes mêmes, qu'il a eu la simplicité de donner ? Enfin, qui pouvait prévoir ce que ferait cette Thérèse Chamberlain, alors surtout qu'on ne la connaissait pas, et qu'on ne savait rien de ce qui s'était passé entre elle et son cousin, le colonel. Ce que M. le Méauté, le juge d'instruction, avait raconté du frère de cette jeune fille, lors de la tentative d'assassinat commise sur le colonel, devait donner à réfléchir. Il était évident qu'on avait la main hardie dans cette famille, et un Italien, si brave qu'il soit, compte toujours dans la vie avec les mains hardies qui savent manier un couteau ou un poignard. Or, si le récit du juge d'instruction était exact, on ne se faisait pas scrupule, dans la famille Chamberlain, de mettre en mouvement les couteaux et les poignards. La poitrine du colonel était là pour le prouver. Il valait donc mieux, à tous les points de vue et aussi au point de vue des intérêts personnels du prince, que le mariage ne se fît pas à Paris. Mais où le célébrer ? Ce fut alors que la comtesse Belmonte triompha. Ah, si on avait voulu la croire ! Si tout de suite on s'était hâté d'acheter Montelupo et de raser sa tour ! Si en même temps on avait commencé les réparations indispensables dans le château de Belmonte, si on s'était occupé activement de meubler quelques pièces. Le prince avait haussé les épaules, mais la comtesse avait continué. Le mariage se serait célébré à Belmonte. Le père Giorgio aurait officié dans la chapelle restaurée pour cette cérémonie. Quel triomphe, quelle gloire! Mais lorsqu'elle avait donné ce bon conseil, on l'avait sautement dédaigné. De guerre lasse, le prince avait répliqué que ce n'était pas en quelques semaines, ni même en quelques mois, qu'on pouvait restaurer Belmonte. En tout cas, on pouvait commencer. Maintenant, il était trop tard. Et hélas, oui, il était trop tard. Et vraiment, il était fâcheux que le mariage ne pût pas se célébrer au fond de l'Apennin, car on aurait eu la certitude absolue de n'y être pas dérangé. Rien à craindre, ni de la marquise de Lucilière, ni du baron Lazarus, ni de Thérèse Chamberlain, ni de celui-ci, ni de celui-là, ni de personne. On emmenait le colonel directement du Glion à Belmonte. Le mariage n'était même pas connu à Paris, où le colonel n'avait pas son domicile légal, et lorsque plus tard on revenait en France, Carmelita était Madame Chamberlain de par la loi, et les liens indissolubles d'un bon mariage. Malheureusement, les choses ne pouvaient pas s'arranger ainsi, car depuis leur départ de Belmonte, le dernier débris de toit qui les avait abrités s'était effondré. Où recevoir le colonel ? On peut être propriétaire d'une ruine, mais il n'est pas décent de l'habiter. Comment célébrer un mariage entre les quatre murailles croulantes d'un château chancelant, sans un toit sur la tête des invités, sans vitres aux fenêtres, au milieu des oiseaux de nuit effrayés et des bêtes immondes qui cherchent leur abri dans les décombres? La vue seule de cette misère ne fera-t-elle pas fuir le colonel, peu sensible sans doute à la poésie des ruines? Il fallait donc renoncer à Belmonte, et le prince y renonça, mais non pourtant sans tenter d'écarter Paris. Il proposa Venise, Florence, Naples, trois villes charmantes pour une lune de miel. Mais le colonel n'accueillit point cette proposition. Le prince Mazzazzoli avait-il une habitation à Venise? En avait-il une à Florence? Une à Naples? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi aller à Venise ou à Naples? Et pourquoi plutôt ne pas aller à Paris, où il possédait, lui, un hôtel prêt à le recevoir? Paris était aussi une ville charmante pour une lune de miel. Le prince résista, mais le colonel tint bon, et de telle sorte que finalement le prince céda. Quelle raison valable lui opposer pour refuser Paris? Aucune, en réalité. Et un refus persistant pourrait le surprendre et l'inquiéter, peut-être même donner de mauvaises pensées. Le temps n'était pas encore venu où l'on pourrait impunément ne pas le ménager. Il fut donc convenu qu'on rentrerait à Paris et que ce sera à Paris que se ferait le mariage. D'ailleurs, en veillant attentivement, on pourrait écarter les dangers s'ils se présentaient. Et le colonel était dans des dispositions qui ne permettaient pas de croire que ces dangers, quels qu'ils fussent, pussent être bien redoutables. On pourrait risquer des efforts pour empêcher ce mariage, mais à coup sûr, il n'aurait aucun résultat. Cependant, malgré cette confiance dans le succès, le prince aurait voulu tenir le mariage de sa nièce autant que possible caché, ayant pour cela de puissantes raisons qui lui étaient exclusivement personnelles. Mais cela ne fut pas possible. Le colonel se serait demandé ce que signifiait cet étrange mystère. Et d'un autre côté lui-même, revenant à Paris, après une assez longue absence, était obligé de donner des explications à ses créanciers pour les faire patienter. Quelle meilleure assurance pour eux d'être sûrement payés que l'annonce du prochain mariage de Carmélita avec le colonel Chamberlain. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un mariage plus ou moins probable. C'était un mariage arrêté, décidé, et le plus étonnant, le plus merveilleux, le plus miraculeux, le plus étourdissant, le plus triomphant, le plus beau, le plus grand, le plus riche, le plus extraordinaire, le plus brillant, le plus éblouissant, le plus digne d'envie qu'on pût rêver. Le mari, on pouvait le nommer. C'était, pour tout dire d'un seul mot, c'était l'homme le plus riche, le plus en vue, le plus à la mode de Paris, c'était le colonel Chamberlain. Et le prince l'avait nommé tout bas, en cachette, avec prière de ne pas ébruiter cette nouvelle. Non seulement il l'avait nommé, mais avec quelques créanciers qui avaient payé cher le droit d'être incrédule. Il avait fait plus, il avait montré la lettre écrite par le colonel pour lui demander la main de Carmélita. C'était là une grande preuve d'estime, le témoignage de confiance le plus complet qu'il pût donner. Aussi espérait-il que, par contre, on lui garderait un secret absolu sur cette confidence, pas un mot à personne. Bien entendu, le secret avait été promis et juré. Mais 5 minutes après, 10 personnes savaient que le colonel Chamberlain allait se marier et qu'il épousait qui? Je vous le donne en 10, je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000. Les noms défilaient. Vous n'y êtes pas. Mais je ne veux pas vous faire languir. Il épouse la belle Carmélita. La nièce du prince Mazzazzoli? Elle-même, Carmélita Belmonte. Allons donc, c'est impossible. Impossible, invraisemblable, inimaginable, tout ce que vous voudrez, cependant, cela est. Je serai donc payé. Nous serons tous payés. J'ai joliment bien fait de ne pas vendre ma créance. Tiens, on vous a demandé de l'acheter. Oui, à 75% de perte. Moi aussi, mais à 90. Il est probable que c'est le prince lui-même qui a ainsi fait racheter en sous-main toutes ses créances pour se les faire payer par le colonel Chamberlain lorsque le mariage sera conclu. Ce sera la main droite qui versera à la main gauche. Ça n'est pas bête. Il aura là un joli bénéfice, car le plus grand nombre de ses créanciers ont vendu leurs créances qu'ils considéraient comme perdues. Moi, je ne vends jamais, c'est un système. C'est le bon. À propos, ne dites rien de ce que je vous ai raconté. Le prince m'a demandé le secret, et je le lui ai promis. Seulement, comme je connais votre discrétion, je n'ai pas hésité à vous faire part de cette bonne nouvelle. Soyez tranquille, pas un mot, à personne, je vous le promets. C'était à 4 heures de l'après-midi que le prince avait pour la première fois montré la lettre du colonel. À 7 heures, 300 ou 400 personnes connaissaient cette nouvelle, et dans la soirée, sur le boulevard, dans les réunions particulières, dans les clubs et dans les cercles, dans les théâtres, on ne parlait que du mariage du colonel Chamberlain. Vous savez, le colonel Chamberlain épouse Mademoiselle Belmont. Juste. En réalité, Paris n'est qu'une agglomération de petites villes et les bavardages se développent dans chacune de ces petites villes avec la même ardeur que dans une bourgade de province. Le premier créancier à qui le prince avait montré la lettre du colonel était son bijoutier, qu'il avait intérêt à ménager. Le bijoutier avait promis le secret, mais en rentrant chez lui, il avait joyeusement annoncé à sa femme que la créance du prince Mazzazzoli serait payée, attendu que Mademoiselle Belmonte épousait le colonel Chamberlain. À ce moment était entrée une des principales clientes de la maison, la charmante comtesse d'Ardisson, amie et rivale de la marquise de Lucilière. Naturellement, on lui avait conté cette grande nouvelle qui, en conséquence de ses relations avec Madame de Lucilière, devait avoir un certain intérêt pour elle. C'était un secret, un grand secret que personne ne connaissait encore à Paris, car le prince et sa famille venant de Suisse avec le colonel Chamberlain étaient arrivés le matin même. Une fois en possession de ce secret, la comtesse d'Ardisson n'avait eu qu'un désir, l'apprendre elle-même à Madame de Lucilière pour voir comment celle-ci recevrait cette nouvelle. Précisément, c'était jour d'opéra de la marquise de Lucilière, l'occasion était vraiment heureuse. À 8 heures, la comtesse d'Ardisson s'était installée dans sa loge qui faisait vis-à-vis à celle de Madame de Lucilière. La marquise n'était point encore arrivée et sa loge était restée vide jusqu'à la fin du premier acte de Robert, qu'on donnait ce soir-là. La toile était à peine tombée que la comtesse d'Ardisson entrait dans la loge de Madame de Lucilière pour lui faire une visite d'amitié. La marquise était gaie, souriante, de belle humeur comme à l'ordinaire, et prenait plaisir pour le moment à plaisanter le prince Seratov qui l'avait accompagnée. Elle accueillit la comtesse d'Ardisson avec des démonstrations de joie affectueuse, comme une amie dont on a été trop longtemps séparé. Après quelques minutes, le prince Seratov sortit de la loge, les laissant en tête à tête. « Vous savez la nouvelle ?» demanda aussitôt la comtesse. « Quelle nouvelle ?»« La grande, l'incroyable, la merveilleuse nouvelle !» Le colonel Chamberlain, qui avait disparu si brusquement il y a quelques mois, est retrouvé. Était-il donc perdu ? Demanda la marquise de Lucilière en pâlissant légèrement. Je ne sais s'il l'était pour vous. La comtesse appuya sur ce mot. Mais il l'était pour le monde parisien. Heureusement, le voici revenu, et je crois que son retour va faire un joli tapage. Elle attendit un moment pour que Madame de Lucilière lui demandât à propos de quoi allait éclater ce tapage, mais celle-ci, tout d'abord surprise en entendant prononcer le nom du colonel, s'était bien vite remise et maintenant elle se tenait sur ses gardes. Évidemment, ce n'était pas pour avoir le plaisir de lui faire une simple visite que sa chère amie, Madame d'Ardisson, était venue dans sa loge. Ce n'était pas sans intention qu'elle parlait du colonel. Que voulait-elle? Où allait-elle? C'était à voir et Madame de Lucilière avait trop l'habitude de ces sortes d'attaques pour se livrer maladroitement. Il fallait attendre et laisser venir. « Il y a longtemps que vous n'avez eu de nouvelles du prince Mazzazzoli et de Mademoiselle Belmonte ?» demanda la comtesse d'Ardisson. « Très longtemps. Ils étaient en Suisse. Ils sont revenus aussi. » La comtesse est rétablie. « Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle a été malade ?»« Je crois toujours tout ce qu'on me dit. Quand je n'ai pas de motif pour me défier de ceux qui parlent. » « Et vous n'avez pas de motif pour vous défier de la comtesse ou du prince ?»« Pas le moindre. Ne sont-ils pas mes amis ?» Je ne me défie jamais de mes amis. Eh bien, dans cette circonstance, vous avez été dupe de votre confiance. Vraiment. Ce n'était pas pour cause de maladie que la comtesse allait en Suisse. En réalité, ce n'était pas elle qui faisait ce voyage, c'était Carmelita. Devinez-vous? Pas du tout. Vous parlez, cher ami, comme le sphinx. Je voulais vous ménager cette nouvelle pour qu'elle ne vous surprît pas trop brusquement. Carmelita allait en Suisse pour rejoindre le colonel Chamberlain qui s'était retiré sur les bords du lac de Genève en quittant Paris. Ils ont passé tout le temps de cette absence ensemble, et de ce long tête-à-tête, il résultait ce qui fatalement devait se produire. Le colonel Chamberlain épouse Mademoiselle Carmelita Belmonte. Bien que Madame de Lucilière eût pu se préparer pendant les savantes lenteurs de cette attaque, elle tressaillit, et sa main, qui jouait nerveusement avec son éventail, se crispa. Madame d'Ardisson, qui l'observait, remarqua très bien l'effet qu'elle avait produit. « Vous ne me croyez pas, » dit-elle. « Pourquoi ne vous croirais-je pas ? » ?»« Je n'en sais vraiment rien, car rien n'est plus explicable que ce mariage entre deux êtres qui semblent faits l'un pour l'autre. Le colonel est un homme charmant, malgré l'excentricité de sa tenue, et Carmelita est la belle des belles. Ils devaient s'aimer, cela était écrit, et cela s'est réalisé. Il paraît qu'ils s'adorent, en tout cas, le certain est qu'ils s'épousent. il fallait bien dire quelque chose. « Et pour quand ce mariage ?» demanda Madame de Lucilière d'une voix qu'elle tâcha d'affermir. « À cela, je n'en sais rien, car ce n'est ni le colonel ni le prince Mazzazzoli qui m'ont donné cette nouvelle. Je la tiens d'une personne tierce, en qui j'ai toute confiance et qui a vu de ses yeux vus, ce qui s'appelle vu, la lettre par laquelle le colonel Chamberlain demande au prince Mazzazzoli la main de sa nièce, Mademoiselle Carmelita Belmonte. Le mariage n'est donc pas douteux, seulement j'ignore la date. Il est même probable que cette date, vous la connaîtrez avant moi. Vous avez avec le colonel Chamberlain des relations beaucoup plus intimes que personne à Paris, et sa première visite sera assurément pour vous, sa première invitation. Mais grâce à mon indiscrétion, vous ne serez pas surprise. Vous ne me remerciez pas. Au contraire, mais j'attendais que vous eussiez fini, afin de vous remercier une bonne fois pour toutes. » Puis, après quelques paroles insignifiantes, Madame d'Ardisson regagna vivement sa loge, et se plaçant dans l'ombre de manière à se cacher autant que possible, elle braqua sa lorgnette sur Madame de Lucilière. Elle s'était observée pendant cet entretien, dont toutes les paroles portaient. Maintenant, sans doute qu'elle se croyait libre, elle allait se livrer. Et de fait, elle se tenait la tête appuyée sur sa main, immobile, le visage contracté, les sourcils rapprochés, les lèvres serrées, les narines dilatées. Elle aimait donc toujours le colonel ? Et complaisamment, en souriant, Madame d'Ardisson prit plaisir à rappeler les coups qu'elle venait de porter. Carmelita allait en Suisse pour rejoindre le colonel. Il s'adore, il se marie. Et cette allusion aux relations intimes qui existaient entre le colonel et la marquise, vraiment tout cela avait été bien filé. À ce moment, la porte de la loge de la marquise s'ouvrit de nouveau et le prince Seratov parut, mais la marquise ne le laissa pas s'asseoir. Elle lui fit un signe et il se pencha vers elle. Puis, après avoir dirigé ses regards vers les fauteuils d'orchestre du côté gauche, il sortit. Abandonnant la loge de la marquise, Madame d'Ardisson braqua sa lorgnette vers la porte de l'orchestre où bientôt se montra le prince Seratov. Au quatrième fauteuil était assis le baron Lazarus, qui venait d'arriver. Le prince se dirigea vers lui et, après quelques paroles, l'emmena avec lui. Deux minutes après, ils entrèrent dans la loge de la marquise de Lucilière et le prince en sortit aussitôt, laissant le baron seul avec la marquise. Que signifiait ce tête-à-tête ? Ah, comme Madame d'Ardisson eût voulu entendre ce qui allait se dire entre eux !